بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سنرى اليوم معا الدرس الثامن عشر أو التاسع عشر نعم في شرح Umdat al-Ahkam. On va ce soir voir ensemble le 19e cours dans l'explication de Umdat al-Ahkam. Et mashallah, le temps il passe vite. On est déjà arrivé au 19e cours. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde la réussite et qu'il nous permette de finir ce livre ensemble et de pouvoir en profiter. L'auteur qui dit An Hudhayfa ibn al-Yaman. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك. Et donc on est toujours dans le chapitre lié au siwak qu'on avait commencé il y a deux semaines avant le séminaire. Et aujourd'hui on va essayer de le finir inshallah ta'ala. Le deuxième hadith qu'il cite l'auteur, donc selon Huzayfa ibn al-Yaman, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait la nuit, yashousu fehu bisiwak. Ça veut dire quoi fehu? Sa bouche. La bouche c'est femahu. Et pourquoi on dit fehu ici? Normalement t'as la réponse. Hein? Min al esma al khamsa. Barakallahu fikum. Et donc parmi les esma al khamsa, tu rigoles hein? Naam, donc parmi les esma al-khamsa, el-fem, donc ici il est mansoub, maf'oulun bihi, yashousu fahu. Et donc lorsqu'il se levait la nuit, il nettoyait sa bouche avec le siwak. Hadha al-hadith dalilun ala istihbab al-siwak 'inda al-qiyam min an-nawm. Et donc ce hadith est une preuve montrant le fait que le siwak est recommandé lorsqu'on se réveille après avoir dormi. لِأَنَّ الْإِنسَانِ إِذَا نَامَ تَغَيَّرَتْ رَائِحَةُ فِيهِ لِطُلُوعِ رَائِحَةِ الْمِعْدَ إِلَيْهِ. Car la personne, lorsqu'il dort, alors l'odeur de sa bouche va changer à cause des odeurs qui proviennent donc de son estomac. Et donc ça, l'odeur, elle change, l'odeur de la bouche de la personne à cause de des odeurs qui proviennent de l'estomac de la personne. Et donc la personne a besoin de nettoyer sa bouche pour retirer cette odeur. J'ai une autre عند البخاري ومسلم ايضا اذا قام ليتهجد يشوس فاه بالسواك. Lorsqu'il se réveillait pour prier, yatahajjad, donc la prière, vers la fin de la nuit. Lorsqu'il se réveillait pour prier, il nettoyait sa bouche avec le siwak. Idan, hal yuqal inna al-istihbab ou istihbab al-siwak idha istayqadha al-insan khasun law dhahaba liyusalli ou am. Est-ce qu'on va dire que il est recommandé d'utiliser le siwak lorsque la personne se réveille pour aller prier, ou alors c'est général? C'est général. Et pourquoi est-ce qu'ici c'est cité dans cette version? Dans le Bukhari et Muslim, il se réveilla pour prier. Cependant, avant ça, ça a été cité de façon générale. Et donc on a les deux versions qui ont été citées. Une version lorsqu'il se réveillait après avoir dormi, et l'autre version lorsqu'il se réveillait pour prier. Et donc les savants, ils disent que ça ne veut pas laisser le ma'ana khasan bis salat. Ce n'est pas spécifique à la prière. Walakin as-salat dhukirat huna li'annahu kana ghaliba halin nabi sallallahu alayhi wa sallam. La prière, elle a été citée ici parce que c'était en général, c'était ce qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se réveillait pour prier. Et c'est là qu'on a un petit rappel où nous on se demande, nous en général, on se réveille pour quoi? Si on se réveille pendant la nuit, est-ce qu'on se réveille pour prier? Et donc il faut qu'on, inshallah ta'ala, qu'on fasse des efforts de ce côté pour essayer de ressembler le plus que possible au prophète sallallahu alayhi wa sallam. وفي هذا الحديث أيضا استحباب السواك عند تغير الفم سواء استيقظ من النوم أو لا. Il y a dans ce hadith aussi le fait qu'il est recommandé d'utiliser le siwak lorsque l'odeur de la bouche de la personne a changé. Que la personne ait dormi avant ou pas. Il se peut que la personne, elle n'ait pas mangé pendant longtemps et que l'odeur de sa bouche a changé. Et donc à ce moment-là, il est recommandé d'utiliser le siwak. Mais on prend ça où dans le hadith ? Mais dans ce hadith-là, في هذا الحديث أين الدليل في هذا الحديث؟ Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se réveillait pour prier ou lorsqu'il se réveillait la nuit, il se nettoyait la bouche avec le siwak. Elle est où la preuve? Parce que la nuit, ça change. Et donc, vu que ça change, tu utilises le... Et donc on va utiliser la même cause qu'il y avait la nuit, on l'utilise de façon générale. Non. Les savants, ils disent لأن العلة في استحباب السواك عند القيام من النوم هي تغير رائحة الفم فما كانت العلة موجودة فيكون الحكم موجودا. Et donc les savants disent que la raison qui fait qu'il est recommandé d'utiliser le siwak lorsqu'on se réveille après avoir dormi, c'est que pendant la nuit l'odeur de la bouche elle a changé. Et donc, tant que cette même raison elle est présente, même si c'est pour autre chose, que tu n'aies pas mangé, ou que tu aies trop parlé, ou que tu n'aies pas parlé, ou, même si c'est une autre raison qui a fait que l'odeur de ta bouche elle a changé, tant que cette raison elle est présente, le jugement sera le même. C'est-à-dire que c'est recommandé d'utiliser le siwak. وَهُنَاكَ رِوَايَةٌ قَدْ يُفْهَمُ مِنْهَا الْوُجُوبُ عِنْدَ النَّسَائِي عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا نُؤْمَرُ بِالسِّوَاكِ إِذَا كُمْنَا مِنَ اللَّيْلِ. Il y a une narration qui montre, ou alors une narration dont on peut comprendre l'obligation. En lisant ce texte, on peut comprendre qu'en fait, c'est obligatoire, quand tu te réveilles, d'utiliser le siwak. Selon donc An-Nasa'i qui rapporte dans son recueil, toujours selon Hudhayfa, qui dit « Il nous était ordonné de nous nettoyer avec le siwak lorsqu'on se réveillait la nuit. » Alors, obligatoire ou pas obligatoire? El-Amr yufidul wujub. Un ordre dans la législation implique que c'est obligatoire. Combien de fois on s'est réveillé et on n'a pas utilisé le siwak? C'est obligatoire ou c'est recommandé alors? Hein? Ah, là maintenant, on avait abordé ce sujet lors du cours précédent. On avait cité donc, il y a une règle chez certains savants du fiqh qui est qu'en ce qui concerne les mœurs, le comportement, etc., les ordres n'impliquent pas une obligation. N'impliquent pas forcément une obligation. Pourquoi ? Parce que cela concerne les mœurs, le bon comportement. Et on avait dit que la vie la plus juste, c'est que tout ordre implique une obligation jusqu'à preuve du contraire. Et donc maintenant, on est dans le problème ici. Oui. Le hadith est faible. Il y a dans la chaîne de transmission du hadith Abu Sinan Sa'id ibn Sinan. Il a été critiqué. L'imam Ahmed rahimahullah, il a dit de lui: Arju annahu mimman la yata'ammadu al-kadhiba wal-wad'a la isnadan wala matnan. L'imam Ahmed a dit de lui: j'espère qu'il ne fait pas partie de ceux qui mentent intentionnellement et qui inventent, que ça soit dans la chaîne de transmission ou dans le hadith en lui-même. Cependant, il se peut qu'il se trompe plusieurs fois. Il se peut qu'il se soit trompé plusieurs fois. Et donc, ce narrateur, il a été connu pour s'être trompé plusieurs fois. Et les savants ont cité ce hadith-là parmi les hadiths qui montrent qu'il s'était trompé. Wa d'ailleurs, wa aidan, al-Huffaz an Abi Wa'il, an Hudhayfa, rawa hadha al-hadith min fi'li nabi sallallahu alayhi wa sallam la min qawlihi. Aussi, il faut savoir que tous les narrateurs qui sont fiables, ils ont rapporté ce hadith de Abi Wa'il et de Hudhayfa. Rappelez-vous, Hudhayfa, c'est lui le compagnon qui rapporte ce hadith. Et Hudhayfa, il l'a rapporté à Abi Wa'il, et de là, ça s'est propagé. Tous les rapporteurs qui sont fiables et qui rapportent cela de Abu Wa'il, ils citent l'acte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et pas sa parole. C'est-à-dire l'acte, le fait que lui, il le faisait, mais le fait qu'il ordonne ou qu'il dise de le faire, non, ils ne l'ont pas rapporté. Et on arrive au même exemple que je vous cite à chaque fois. J'enregistre mon cours avec l'appareil. Il y en a un qui va dire, il a enregistré son cours avec l'appareil et le téléphone. On va tous se dire, c'est bizarre. Comment se fait-il que tout le monde ici a entendu Abdelkarim dire qu'il a enregistré le cours avec son appareil? Et on en a un qui a entendu Abdelkarim dire qu'il a enregistré le cours avec l'appareil et le téléphone. On va tout de suite mettre une croix dessus. On va dire, le frère, il s'est trompé. D'accord? Et donc, on en est là aussi, encore une fois, par rapport à ce hadith. Et donc, ce hadith qui montre qu'il est obligatoire d'utiliser le siwak lorsqu'on se réveille de la nuit, dans Sunan al-Nasa'i, le hadith, il est faible. Thumma qala al-musannif. Ensuite, l'auteur, il continue et il dit, An Aishata qalat, dakhala Abdurrahman ibn Abi Bakr ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ana musnidatuhu ila sadri. Aisha qui dit, Abdurrahman ibn Abi Bakr, il est rentré, il est venu visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que je le portais au niveau de ma poitrine. Et donc il y a un homme qui est rentré comme ça chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était avec sa femme. Hein? Je pense que c'est son frère. Ouais, c'est son frère. Abdurrahman ibn Abi Bakr. C'est son frère. C'est le frère de Aïcha. Et donc, elle dit qu'elle le portait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette histoire, c'est l'histoire de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bih. Et Abdurrahman, il avait avec lui un siwak frais qu'il utilisait donc pour se nettoyer la bouche. Donc il utilisait le siwak. فَأَبَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَهُ. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a longuement regardé le siwak. Il a longuement regardé le siwak. Aïcha, dans une version, elle dit qu'elle a compris que le prophète, il voulait le siwak. Lorsqu'il l'a regardé longtemps, elle a compris que le prophète, il voulait regarder le siwak. Et donc là, elle dit, فَأَخَلْتُ السِّوَاكِ فَقَضَمْتُهُ وَطَيَّبْتُهُ ثُمَّ دَفَعْتُهُ أَوْ رَفَعْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Et donc elle dit à Aïcha, alors j'ai pris le siwak. Dans une version, c'est marqué قَضَمْتُهُ, comme ici, comme je viens de le lire. قَضَمْتُهُ, et donc je l'ai mordu. Dans une autre version, قَصَمْتُهُ. Au lieu du dod, ça sera un sod. Et là, la signification, elle change. C'est je l'ai cassé. Je l'ai cassé. Et donc, et ensuite elle dit, وَطَيَّبْتُهُ. Et donc ensuite je l'ai adouci. Pour pas qu'il soit trop dur lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'utilise. Je l'ai adouci et ensuite je l'ai donné au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. فَاسْتَنَّ بِهِ فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ sallallahu alayhi wa sallam أَسْتَنَّ اسْتِنَانًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a pris, il s'est nettoyé la bouche. Et je ne l'ai jamais vu utiliser le siwak d'une aussi de façon aussi bonne que celle-ci. Je ne l'ai jamais vu utiliser le siwak de façon aussi bonne que celle-ci. Et ensuite elle continue, elle dit à Aïcha, fa ma 'ada an faragha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yadahu aw isbi'ahu thumma qala fi ar-rafiq al-a'la thalathan thumma qada. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à peine après avoir fini d'utiliser le siwak, il a levé les mains et a dit Fir Rafiq il A'la. Ça veut dire quoi ça? Hein? Rafiq. Donc, il invoque Allah qu'il le place au Rafiq ul A'la. C'est quoi Rafiq ul A'la? Le plus élevé. Rafiq, le plus élevé. Mais c'est quoi Rafiq? Ah, Rafiq. Ça veut dire compagnon. Mais ce qui est voulu par là, c'est Ar-Rufaqa. Et donc les compagnons. les compagnons les plus élevés. C'est-à-dire l'endroit où seront les compagnons les plus élevés. Minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada. Parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs, wa salihin, les pieux. Parmi, c'est l'endroit où il y aura les meilleurs des compagnons qu'on puisse avoir, les meilleurs des fréquentations qu'on puisse avoir. Et l'homme, lorsqu'il pense à ça, il se dit, peu importe les problèmes que j'ai avec les gens, peu importe les gens qui parlent sur moi, ou, alhamdoulilah, moi c'est eux que je vise là, c'est al-Rafiqul A'la. Ce sont eux, ces compagnons-là que je vise. Les autres, c'est pas grave. Et donc, nous devons nous efforcer, oh mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de sa vie, les derniers instants de sa vie, il fait cette invocation, il demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il le place parmi al-Rafiq al-A'la. Que devons-nous dire nous-mêmes? Nous ne devons pas laisser ce genre d'invocation, les frères. Thumma qadar, puis il est mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa fi hadha al-hadith, mashru'iyyat al-siwak fi kulli waqt. Yanna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam aqarra Abd al-Rahman wa stanna ba'dahu fi akhir al-lahadat min hayatihi. Il y a dans ce hadith l'aspect recommandé d'utiliser le siwak à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. L'aspect légiféré, excusez-moi, d'utiliser le siwak à n'importe quel moment. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé Abdurrahman ibn Abi Bakr utiliser le siwak. Et le prophète, il l'a même utilisé après lui. Et de là, on arrive à un autre sujet. C'est Yajouzou isti'amel ou siwak il ra'ir. Il est permis d'utiliser le siwak d'une autre personne. Ça veut dire que le jour où j'arrive, j'ai mon siwak. Si quoi il peut arriver, il me dit, parce que ton siwak, il prend mon siwak, il l'utilise. Bien entendu, les frères, c'est si, comme ils disent les savants, il lam yurcha darar. Si on n'a pas peur qu'il y ait un mal, que la personne ne soit touchée par un mal. Là. Et donc, il y a maintenant, attention, on va arriver à un point. C'est que, rappelez-vous quand j'ai dit qu'il y a deux versions. Il y a la version Qadamtuhu et Qasamtuhu. Si on prend la version Qadamtuhu, donc Aïcha, elle l'a mordu, le siwak, ensuite elle l'a adouci pour qu'il soit prêt pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on prend la version Qasamtuhu, c'est-à-dire qu'elle l'a cassé, il dit Cheikh Ibn Uthaymeen, elle a cassé la partie qui était utilisée et a donné au prophète la partie qui était non utilisée. Ok? Et donc, au final, il est donc légiféré et permis d'utiliser le siwak d'une autre personne à condition qu'on ne craint pas un mal par rapport à cela. On ne craint pas un mal par rapport à cela. Et dans le fi hadha al-hadith, isbat ulou illah tabaraka wa ta'ala. Il y a dans ce hadith le fait d'affirmer le fait que Allah tabaraka wa ta'ala soit élevé. Où on trouve ça dans le hadith? Non, c'est pas faire rafiq. Il demande à être avec les meilleurs des compagnons. Nam, lorsqu'il lève les mains au ciel. Lorsqu'il lève les mains au ciel. À chaque fois, donc, on demande à toutes les personnes qui disent non, Allah il est partout, Allah fi kulli makan. Tu dis, Taïb, lorsqu'on invoque, pourquoi est-ce qu'on lève toujours, pourquoi est-ce qu'on lève les mains au ciel? Si Allah il est fi kulli makan, pourquoi est-ce qu'on lève les mains au ciel? Et donc, ce hadith aussi montre le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, il est donc élevé au-dessus des cieux. Ensuite, on continue. Aussi, les savants disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé le siwak de cette façon. Lorsqu'elle dit à Aïcha, je ne l'ai jamais vu utiliser le siwak d'une aussi belle façon. Ils disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça afin de rencontrer son Seigneur. Il était à la fin de sa vie. Afin de rencontrer son Seigneur dans une situation la plus complète et la plus parfaite de propreté et de pureté. Et se préparait pour la mort. Et nous, on doit méditer sur cela. Nous, comment est-ce qu'on fait pour se préparer pour la mort? On sait tous qu'on va mourir. Lorsque ce moment arrive, comment est-ce que tu te prépares? Ah, mon argent, ah, attention, les enfants, l'argent, argent, travail. À quoi tu vas penser? Qu'est-ce que tu vas faire? On doit méditer sur cela, les frères. Est-ce qu'on est prêt réellement à passer cette étape? Parce qu'il faut qu'on on va tous passer cette étape. On doit se préparer pour cela. Et comment on se prépare? C'est avec ce genre d'assises. Avec ce genre d'assises de science, on apprend. On se rapproche d'Allah, tabaraka wa ta'ala. On fait monter la foi, l'iman. Et pour finir, le dernier hadith du chapitre, il dit donc à Abi Moussa al-Ash'ari, « Qala ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yastaku bi siwakin ratubin wa tarafu siwaki ala nisanihi yakulu u'u'a. والسواك في فيه كأنه يتهوى. » Et donc il dit à Abu Moussa al-Ash'ari, il dit, je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il se nettoyait avec un siwak frais. Le bout du siwak était sur sa langue et il disait ur ur. Le bout du siwak était sur sa langue, ce qui est voulu par là, c'est-à-dire le fond de sa langue. Le fond de sa langue. Et il disait « ur, ur ». C'est un son qui montre justement donc le son que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il utilisait ce siwak. Presque le son de celui qui va vomir. Voilà pourquoi il dit à la fin « wa siwaku fi fihi ka annahu yatahawwa ». Le siwak est dans sa bouche comme s'il allait vomir. Et donc on a dans ce hadith « fihi mashru'iyatu as-siwak ala lisan ». On a dans ce hadith le fait qu'il est permis d'utiliser le siwak sur la langue. Pas forcément sur la dent, mais aussi sur les dents, mais aussi sur la langue. Même les brosses à dents aujourd'hui à notre époque, vous avez donc d'un côté donc pour les dents, et de l'autre côté, vous retournez les brosses à dents, c'est pour la langue. Aussi, cette langue aussi qui doit être nettoyée et purifiée, il faut faire attention. Et on a aussi dans le hadith « Mashru'iyatul mubalaghati fi isti'mal as-siwak » le fait qu'il soit permis d'utiliser le siwak de façon, je dirais, poussée. De façon poussée, presque exagérée. Comme cela, comme on le montre aujourd'hui, comme on le voit aujourd'hui dans ce hadith où le prophète, il utilisait le siwak, il arrivait jusque au fond de sa langue, à tel point qu'on entendait ce son, ouah, ouah. On a ici le fait que c'est légiféré. Et donc on a fini, alhamdoulillah, on a fini ce chapitre sur le siwak. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde une science profitable. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.